Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Mot pour montrer où, ban objet, ou bien montrez-moi, côte zot été. Mot pour montrer où, ban objet, ou bien montrez-moi, côte zot été. Montrez-moi où est l'enveloppe. Montrez-moi, côte l'enveloppe été. Montrez-moi, côte l'enveloppe été. Montrez-moi où est la clé. Montrez-moi, côte la clé été. Montrez-moi, côte la clé été. Montrez-moi où est le rasoir. Montrez-moi, côte rasoir été. Montrez-moi, côte rasoir été. Montrez-moi où est le verre. Montrez-moi, côte verre été. Montrez-moi, côte verre été. Montrez-moi où est le crayon. Montrez-moi, côte crayon été. Montrez-moi, côte crayon été. Montrez-moi où est le téléphone. Montrez-moi, côte téléphone été. Montrez-moi, côte téléphone été. Montrez-moi où est la montre. Montrez-moi, côte monte été. Montrez-moi, côte monte été. Montrez-moi où sont les ciseaux. Montrez-moi, côte ciseaux été. Montrez-moi, côte ciseaux été. Montrez-moi où est le peigne. Montrez-moi, côte peigne été. Montrez-moi, côte peigne été. Montrez-moi où sont les lunettes. Montrez-moi, côte lunettes été. Montrez-moi, côte lunettes été.